Alors, si vous deviez avoir des questions en cours d'entretien, là, vous seriez gentil de nous les faire parvenir de ce côté-ci, là, sans couper le champ de la caméra, comme ceci, là. Alors, une première question ici, on te demande, est-ce que la culpabilité est néfaste à l'homme, le sentiment de culpabilité? Ça dépend dans quel cadre la culpabilité est vécue et qu'est-ce que l'on entend par culpabilité. C'est-à-dire que la culpabilité, à un premier niveau, peut être un sentiment intérieur qui nous fasse réaliser que face à une situation, on s'est comporté d'une façon qui n'était pas conforme à la façon dont on aurait dû se comporter. Alors là, il y a une expérience de culpabilité qui est salvatrice dans le sens où elle nous permet de prendre conscience d'une errance que l'on est en train de vivre, c'est-à-dire, comme le dit la maxime latine, errare humanum est, errer c'est humain, donc une errance de notre nature humaine sur le sentier de l'accomplissement de notre évolution. Donc la culpabilité à ce moment-là est intéressante, nécessaire comme élément qui nous fait prendre conscience d'une réalité. Si ce sentiment de culpabilité persiste par la suite et devient une espèce d'idée fixe à l'intérieur de l'individu qui se dit « je suis coupable d'avoir fait telle chose », ça devient absolument négatif à ce moment-là. Autrement dit, la culpabilité est un mécanisme d'épuration alchimique de l'individu. Il y a un exercice alchimique très important dont j'ai eu l'occasion de parler à quelques reprises, qui est un exercice qui était autrefois enseigné par Pythagore au seul petit groupe d'initiés qui l'entouraient dans la Grèce antique. Pythagore avait reçu ses enseignements des Celtes, c'est-à-dire des druides de la tradition celtique, donc européenne, et il avait fondé des écoles des mystères où il diffusait à des gens selon des degrés. Alors, il y avait les étudiants très vastes, ensuite, il y avait un groupe un peu plus fermé, il y avait son cercle d'initiés, un peu comme le Nazaréen en avait avec le peuple à qui il s'adressait en parabole, le groupe des 72 qu'il avait envoyé de par le monde, le groupe des 12 qui l'entourait, le groupe des 4 que l'on appelle les 4 évangélistes, et ensuite le groupe des 3, Pierre, Jean-Jacques, qui symbolisait l'ensemble de l'humanité, comme quand on dit Pierre, Jean-Jacques, mais qui étaient les hauts initiés, les hauts gradés de l'enseignement du Nazaréen. Donc, il y avait des cercles de plus en plus fermés. De la même manière, Pythagore avait des cercles fermés et à l'époque, comme enseignement le plus avancé qu'il voulait transmettre au cercle intérieur de ses initiés, c'était un exercice justement où entre en ligne de compte la force de la culpabilité comme mécanisme d'alchimie de l'être et la force de louange. Alors, il prenait ses candidats et il leur disait, vous allez tous les soirs en vous endormant revoir les événements de votre journée à 3 reprises, à rebours, comme on les vit après la mort. Vous allez les visualiser à rebours, et là, vous allez vous juger sur les événements qui se sont produits. Un, en prenant tous les événements qui vous semblent contraires à ce que la sagesse vous enseigne comme la voie de la lumière. Et là, vous allez vous culpabiliser, dans le sens où vous allez réaliser que vous avez commis un geste coupable envers l'humanité, envers des individus, envers vous-même. Vous avez dévié de votre propre objectif, donc vous êtes coupable. Vous n'avez pas dévié d'une vérité éternelle, établie, fixée par un dogme quelque part. Vous avez dévié de votre propre vérité, de vos propres objectifs, de vos propres idéaux. C'est 2 fois pire, hein? Alors, vous allez vous juger très sévèrement là-dessus. Vous allez prendre les moyens pour réparer cette erreur et vous allez faire en sorte que dans l'avenir, dans une situation semblable, vous ne posiez plus ce geste, mais que vous posiez le bon geste. C'était la première étape. Ensuite, on lui enseignait à faire ceci, à reprendre tous les événements de la journée et se louanger pour les bons. C'est-à-dire pour à chaque fois où la personne avait persévéré dans son idéal, dans son identification à quelque chose qui le transcendait et qui amenait sa transcendance, eh bien là, il se disait, merveilleux, j'ai acquis dans telle circonstance la capacité de ne pas entrer en colère, la capacité d'avoir un échange fructueux avec un autre individu, ainsi de suite. Donc, les hauts gradés de l'école pythagoricienne, de cette école des mystères, faisaient donc cet exercice où entrait la force de culpabilité. Maintenant, on prenait bien soin de leur expliquer, de leur enseigner que par la suite, hein, la culpabilité ne devait pas demeurer. Le fait d'avoir réalisé l'erreur, de l'avoir ressenti intérieurement sous la forme de la culpabilité, et par la suite de l'avoir réparé, ou d'avoir essayé de la réparer, ou d'avoir choisi de réorienter un aspect de sa vie, eh bien, c'était bien suffisant, et qu'ensuite, il fallait oublier cet incident. Sinon, qu'est-ce que l'on fait? On crée en nous un sentiment qui est un sentiment d'échec. On crée en nous un sentiment et une forme pensée d'échec. On a parlé dans les semaines précédentes du pouvoir et de l'action de la pensée, de mettre en action les forces de la pensée. Ça veut dire que dans une attitude culpabilisante de la pensée, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, je suis né pour un petit pain. Je suis un homme de rien. J'échoue dans telle et telle circonstance. J'ai manqué mon coup. Plutôt que d'avoir en vous la force transcendante dont j'ai parlé en séminaire aujourd'hui de l'espérance, pas l'espérance béante et passive d'un homme qui s'assoit et qui espère en un monde nouveau, mais l'espérance de quelqu'un qui prend ses forces d'imagination, qui prend toutes les puissances qu'il a en lui et qui se construit un monde nouveau, qui se construit beau. Bon et bien, qui se construit avec une nouvelle conception du monde, qui se construit avec une nouvelle capacité de bâtir des choses. Ça, c'est l'espérance active. C'est une virtus, c'est une puissance extraordinaire. C'est l'une des puissances de l'esprit, l'une des vertus théologales, vous dirait l'Église. C'est-à-dire une puissance du Dieu en soi, théos, hein, Dieu. Alors, c'est une puissance de Dieu en soi que cette force d'espérance qui est contraire à la culpabilité. Donc, par la culpabilité, vous identifiez une déviation dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre émotion, dans votre pensée. Par la force de l'espérance, vous construisez sur le plan imaginatif une situation où vous arrivez au résultat espéré, escompté. Ce sont les techniques de méditation où l'on fait prendre conscience aux gens de certains mirages qu'ils ont en eux au niveau de l'émotion ou de certaines illusions qu'ils ont en eux au niveau de la pensée et on leur dit maintenant, reprogrammez-vous. Éliminer le mirage, cesser de ne penser qu'au mirage comme un groupe de personnes qui voudraient faire du combat contre le nucléaire, du pacifisme, c'est qu'ils ne feraient que parler de bombes. Ça n'a pas de sens. Ils sortent des dossiers sur les bombes. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut identifier le problème, c'est sûr. Il faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais ensuite, il faut reconstruire un monde nouveau où ce que l'on attend de lumière est présent. Alors, la méditation, c'est ce que ça permet. Vous identifiez le mirage, vous reconstruisez une nouvelle forme émotionnelle qui soit conforme maintenant à vos idéaux. Vous identifiez l'illusion mentale. Bon, c'est les techniques extraordinaires du groupe de méditation pour le nouvel âge, dans son cours de 3 ans. Vous identifiez des illusions en vous, des concepts qui ont été erronés, qui vous ont mal servi. Et alors là, vous, après les avoir identifiés, un certain acte de culpabilité, de faiblesse, ensuite vous prenez la force que vous avez en vous et vous construisez de nouvelles pensées, de nouvelles formes pensées, de nouveaux concepts qui vont vous aider. Et là-dessus, c'est important de voir le relatif de ces concepts. Bon, jusqu'à janvier, j'ai donné ici des conférences très traditionnelles où j'ai transmis les enseignements de la tradition initiatique contemporaine et évidemment, puisque c'est traditionnel, également ancienne. Et j'avais insisté sur beaucoup de concepts, sur beaucoup de façons d'aborder les choses, sur beaucoup de techniques. Bon, vous pouvez le voir toujours dans les conférences sur cassette qui existent. À partir de janvier, j'ai changé un peu la pédagogie, c'est-à-dire que j'ai introduit à l'intérieur des conférences une certaine dialectique où il y a parfois expression d'un concept, parfois relativisation de ce concept, parfois même présentation du concept contraire. De sorte que tout à l'heure, je parlais justement avec une personne qui se disait, bon, je sais plus trop où vous vous situez par rapport, par exemple, à la réincarnation. Moi, je suis réincarnationniste, j'ai toujours enseigné la réincarnation comme toute la tradition l'enseigne, mais d'autre part, parfois je dis, c'est une illusion. Parfois je dis, c'est un concept bébel qui nous permet, à une certaine étape de notre développement, d'avoir des réponses, de faire un cheminement. Mais ça, c'est par rapport à l'absolu à ce moment-là qu'on parle. C'est par rapport à l'éternité, évidemment. Qu'est-ce que c'est la réincarnation dans l'éternité? Hein? C'est un grain de sable sur une plage entière. Alors, il faut bien relativiser les concepts. Et je veux à ce moment-là qu'on fasse très attention à ce que je dis, qu'on fasse très attention à la façon dont je les présente. Je peux très bien, dans ces conférences actuelles, qui sont donc une pédagogie de passage, si on veut, être parfois contradictoire. C'est bien. C'est merveilleux si je peux être un peu contradictoire alors que je l'ai tellement pas été dans le passé, dans un sens où on transforme un peu, on se met dans un état où on peut faire un passage à une nouvelle vibration. En fait, c'est une expérience, ce type de conférence, et c'est une expérience, ce type de pédagogie. C'est totalement expérimental parce que sur la planète, on n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant. Bon, les sophistes l'ont fait, les dialecticiens l'ont fait en philosophie, mais à un niveau d'entraînement ésotérique, à un niveau de changement dans le taux vibratoire des consciences, c'est très, très expérimental. C'est pourquoi il faut y aller doucement, il faut pas bousculer, il faut pas faire de choc trop rapide, mais ce sont des jeux de l'esprit, des jeux de la conscience qui nous éveillent à des aspects très, très, très, très intéressants de notre condition humaine, de notre pauvre condition humaine, mais en même temps de notre riche condition humaine. Vous voyez là, encore une fois, l'expérience de la contradiction. Alors, le phénomène de la culpabilité, c'est extraordinaire comme principe d'alchimie, de transmutation intérieure, pour que tout ce qui est cristallisé en soi, tout ce qui est plomb, tout ce qui est négatif, puisse être transmué en or fin. Hein? Et ça c'est la culpabilité qui le permet. Mais d'un autre côté, la culpabilité chronique, que j'appellerais, eh bien, c'est une expérience en l'homme qui l'annihile parce que c'est une expérience qui lui fait en lui-même une image de faiblesse. L'homme ne peut pas vivre avec une image de faiblesse. L'homme ne peut vivre qu'avec l'image du surhomme. Hein? C'est-à-dire qu'il ne peut vivre qu'avec l'image de l'initié divin, qu'il ne peut vivre qu'avec une identification à des principes totalement transcendants, totalement supérieurs de lui-même. Sinon, il n'avance pas. C'est ce que je disais au début de la conférence. Sinon, il s'identifie à des choses qui sont à son niveau. C'est un nivellement, et malheureusement, un nivellement par le bas. On ne peut pas se permettre d'avoir des idéaux inférieur à la perfection, à l'excellence, à l'expression pleine et intégrale de notre divinité. On doit se considérer comme des dieux en évolution, comme des êtres de lumière. Bon, et en ce sens-là, évidemment, à ce moment-là, il faut mettre un peu de côté la culpabilité. Je vous dirais que c'est un peu le jeu du changement de la phrase. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est très bon de le vivre le mercredi décembre. Mais à part qu'il faut vivre, souviens-toi, ô homme, que tu es lumière et que tu retourneras lumière. C'est la dialectique en l'homme. C'est la dialectique de la force de négation de l'individu en tant que quelque chose d'important. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais c'est également la force de se dire, tu es lumière également et tu retourneras lumière. C'est-à-dire qu'il y a une phase en toi, il y a un aspect en toi d'universel, d'éternel, de primordial, qui, lui, appartient à la lumière et retourne de toute façon à la lumière. Il y a une partie qui s'en va vers la poussière. Or, dans la culpabilité, c'est la même chose. Par la culpabilité, vous époussiérez un peu votre être. Mais si vous la conservez en vous, si elle commence à vous ronger, bien, c'est votre nature lumineuse qui commence aussi à disparaître. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre la hache dans la culpabilité. Tu faisais allusion à la réincarnation, il y a une question là-dessus. La réincarnation est-elle nécessaire pour mieux comprendre l'évolution humaine, intérieure, spirituelle, et aussi à nos vies, à notre identité? Bon, la réincarnation, c'est un concept extraordinaire parce que c'est un concept qui répond à une foule incroyable de questions. Ceux qui prônent la réincarnation vont dire aux gens, la réincarnation, c'est merveilleux parce que le problème des enfants malades en bas âge, le problème des injustices sociales, le problème du fait que moi je suis ceci et l'autre est cela, le problème du fait que un est à un tel niveau d'évolution, l'autre à un tel autre, ça c'est réglé par la réincarnation. Alors, le réincarnationniste va dire, toutes les questions que tu te poses, toi qui n'es pas réincarnationniste, il n'y a pas d'autre réponse que la réincarnation, c'est merveilleux. L'anti-réincarnationniste va dire au réincarnationniste, eh bien, c'est justement la preuve que ton affaire, ça n'a pas de sens. C'est une espèce de sauce à laquelle dont tu te sers pour régler tous les problèmes. Parce que tu n'es pas capable de vivre l'angoisse existentielle. Tu n'es pas capable de vivre le sans-but. Tu n'es pas capable de vivre l'absurdité de l'homme. Alors là, vous allez entendre Albert Camus, vous allez entendre Jean-Paul Sartre, vous allez entendre ces penseurs existentialistes qui disent « L'homme n'est qu'une passion inutile. » Et vous, réincarnationnistes, vous n'êtes pas capable d'accepter que l'homme n'est qu'une passion inutile, qu'il n'a pas d'origine, qu'il n'a pas de fin, qu'il est une espèce de soubresaut, qu'il est une espèce de hoquet dans la création. C'est ça que l'existentialiste va vous dire. Alors, la réincarnation, c'est pour se sécuriser, va-t-il dire. C'est pour vous permettre d'expliquer des choses qui n'ont pas d'explication. Vous permettre d'expliquer qu'il y a des jeunes enfants qui meurent en bas âge, qui sont malades, qu'il y a des infirmes, etc. Il n'y a pas de raison à cela. Mais vous, vous voulez absolument, avec votre intellect, l'expliquer. Vous vous créez une loi qui répond à toutes les questions de la réincarnation. Alors, vous vous rendez compte que les deux positions sont, à un certain niveau, soutenables. Ensuite, vous allez avoir la position religieuse qui dit, écoutez, Dieu nous crée, hein? Il n'y a pas besoin qu'on sache la raison, c'est pas nous Dieu. Le Créateur nous génère, nous vivons une seule existence sur la planète, où nous sommes ou bien dans de bonnes dispositions ou dans un peu de moins bonnes, dans une expérience qui est tout à fait normale, et par la grâce seule, bon ça c'est le protestantisme surtout, mais c'est l'exemple merveilleux de la religion, par la grâce seule, Dieu vous ramène au paradis où là vous vivez une vie de bonheur, où vous êtes en pleine plénitude. Parce que vous n'avez pas besoin d'évoluer pour être dans la plénitude. Vous n'avez pas besoin de passer par des étapes, acquérir des connaissances, vous développer pour être dans la plénitude. Vous n'avez qu'à avoir la vision béatifique de Dieu. Vous n'avez qu'à contempler Dieu. C'est amplement suffisant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a condamné au concile de Constantinople, comme vous savez, une certaine vision réincarnationniste en disant qu'il soit anathème celui qui croit qu'un individu peut se lasser de la contemplation de Dieu et revenir sur la terre. Bon. Alors, on considère donc dans la religion que c'est amplement suffisant et qu'on a atteint le summum du développement ou de l'évolution. Si vous êtes évolutionniste, par contre, hein, et que vous croyez à une dimension étapiste, par exemple comme moi je l'utilise. Bon, où il y a des étapes, où il y a des degrés, vous passez de tel niveau à tel niveau à tel niveau. Il y a des examens, un peu comme dans vos cours. Bon, vous êtes au primaire, vous êtes au secondaire, au collégial, à l'université. Vous avez des étapes, vous avez des examens, vous avez des sessions, des demi-sessions, et vous avancez comme ça. Eh bien là, c'est pas possible. C'est pas possible de répondre même à l'injonction de la religion, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Comment peut-on être parfait comme le Père Céleste est parfait alors que on peut avoir seulement 10 ans pour le faire? Ou bien qu'on peut avoir seulement 80 ans? Ou bien qu'on peut être dans des bonnes conditions ou dans des mauvaises? Ça semble impossible. Alors, à ce moment-là, si vous êtes un évolutionniste du genre, la réincarnation devient un outil privilégié. Absolument fondamental même. Parce qu'il vous permet de réaliser que en revenant sur Terre, comme dans une école, vous apprenez de nouvelles leçons. Vous apprenez, vous tirez une nouvelle expérience. Ensuite, vous retournez dans l'au-delà. Vous revenez avec un nouveau véhicule, un nouveau corps, une nouvelle nationalité, une nouvelle religion, une nouvelle philosophie, une nouvelle famille. Vous reprenez de l'expérience. Ensuite, vous revenez, ainsi de suite, selon votre karma, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans vos existences antérieures, fait que vous pouvez aujourd'hui manifester un talent pour la musique, ou manifester un talent pour l'enseignement, ou manifester un talent pour tel et tel type de travaux. Parce que vous avez acquis des capacités dans le passé, dans des existences antérieures, que maintenant vous l'exprimez. Donc la réincarnation, à ce moment-là, devient un outil absolument fondamental dans l'expérience de l'évolution. Jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes ces expériences. Et alors, il n'y a plus de réincarnation possible, parce que c'est comme si vous vous entêtiez à continuer d'aller au cégep pendant 25 ans. Bon, vous avez appris, vous avez tous les decks, mais vous allez encore au cégep, parce que c'est le fun. Ça n'aurait pas de sens au niveau de l'évolution globale du système. Donc, à ce moment-là, vous graduez, vous passez à une nouvelle école qui est sur une autre échelle vibratoire. Vous n'êtes plus sur le plan matériel, vous ressuscitez, comme le dit la tradition religieuse, c'est-à-dire vous passez à un nouveau rythme vibratoire. Vous passez dans un état où vous n'êtes plus du tout sur le plan physique, chimique, vous êtes sur un plan éthérique, sur un plan vital, sur un plan, autrement dit, en un mot, d'un taux vibratoire supérieur. Alors là, vous avez fini le cycle des réincarnations, vous êtes passé par la résurrection dans un état nouveau. Mais ça, ce sont des concepts. Il faut faire attention parce que ça nous aide à comprendre des choses, mais c'est intellectuel la réincarnation. Bon, ce sont des concepts intellectuels qui nous permettent de nous situer, de nous sécuriser aussi, de nous faire comprendre les choses, de nous faire saisir le sens de cette évolution, le sens de toutes ces étapes que nous vivons actuellement. En un mot, c'est ce qui permet de donner un sens à sa vie. C'est important de donner un sens à sa vie. Je suis absolument en opposition de jeu, si on veut, avec toute la tradition existentialiste. Parce que la tradition existentialiste est une tradition qui mène au suicide ou à l'inactivité. Hein? Alors que la tradition plus occidentale de l'idéalisme, eh bien, c'est cette tradition qui permet à des individus de toujours se dépasser, de toujours avancer. Mais là, la réincarnation devient nécessaire. Elle devient nécessaire, mais il faut la nuancer. Vous savez, au début du siècle, ça c'est intéressant, c'est la seule chose que moi j'ai à faire avant de transiter, avant de changer de plan. C'est de faire comprendre aux réincarnationnistes, aux non-réincarnationnistes, aux religieux, aux ésotéristes, aux gens de philosophie, aux gens de science, une chose très importante autour de cette notion de réincarnation. C'est qu'il n'y a pas que la loi. Au début du siècle, est venu des grands messagers de la tradition ésotérique qui ont introduit le concept de réincarnation et qui font qu'une personne ici dans la salle ce soir pose une question sur la réincarnation. Ce sont des hommes et des femmes qui avaient reçu des maîtres ou avaient reçu de la hiérarchie ce concept, qui était très connu, mais sous une forme assez différente cependant en Orient, et qui ont commencé au début de ce siècle à le transmettre à notre Occident chrétien. Parce que dans le christianisme, il y avait cette notion de grâce qui avait pris une dimension très grande avec le protestantisme, au point où dans la pensée populaire en Allemagne, par exemple, dans des lieux comme ça, eh bien, l'action était devenue inutile dans l'œuvre de rédemption, de transformation, d'évolution. Pour le protestantisme, il n'est pas important de poser des gestes bons, comme on l'a un peu dans le catholicisme. C'est-à-dire que on est sauvé uniquement par la grâce. Et même dans certaines doctrines, comme le calvinisme, eh bien, non seulement on est sauvé seulement par la grâce, mais on est prédestiné, avant de naître, à être sauvé, à être un élu ou à être damné. Donc, à ce moment-là, l'apport de l'homme dans le fait qu'il prend ses mains, qu'il transforme les choses, aucune importance. Le christianisme, c'est ce qui le distingue de toutes les autres religions qui sont venues avant, de toutes les philosophies qui sont venues avant, de toutes les traditions ésotériques précédant le christianisme, c'est que dans le christianisme arrive pour la première fois sur cette terre un élément de gratuité. Et on dit aux hommes, si ça vous paraît de la sagesse, que la loi de causalité, qu'une chose en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Mais c'est une sagesse d'homme, et la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. Voilà le message du christianisme. Un message absolument extraordinaire dans le sens de cette gratuité. Alors, l'humanité s'était habituée à cette gratuité, à cette idée de la grâce, de telle sorte qu'en Occident, pas question de karma, pas question de réincarnation. Ça n'allait pas. Alors, naît au début du siècle cette impulsion nouvelle pour dire aux gens, mais écoutez, d'accord, il y a la grâce. D'accord, il y a l'expérience supramentale. D'accord, il y a l'expérience du christianisme. D'accord, vous pouvez être sauvé gratuitement sans l'avoir mérité. D'accord, le Christ a sauvé ceux qui le méritaient le moins. On est d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose aussi qui est lié à la loi. Il y a encore quelque chose dans ce monde qui est au niveau de la causalité. Prenez votre verre, laissez-le tomber, que la grâce soit là ou non, il va tomber sur le sol. Il y a une loi de causalité qui gère encore le plan matériel, qui gère encore notre dimension matérielle. Et ce plan de causalité, vous devez le conscientiser au niveau de votre propre développement. Alors, il y a eu un Rudolf Steiner en Allemagne qui s'est levé dans l'Allemagne protestante de son époque et qui a dit, attention, hein, j'amène un christianisme ésotérique. Et c'est grâce à lui que vous parlez de réincarnation aujourd'hui. J'amène un christianisme ésotérique où j'enseigne qu'il y a un karma, qu'il y a une causalité, qu'il y a une réincarnation des individus pour leur achèvement. Mais comme le climat protestant de l'époque était tellement fort, il a complètement, ou à peu près, bon, il y a un petit passage dans ses écrits sur l'amour, mais à peu près rien, parlé de la grâce et de la résurrection, de ces éléments de gratuité. Il a tout focalisé là-dessus. Son disciple Max Endel est arrivé en Amérique avec la même notion. Et il a tout focalisé autour de la réincarnation. Et ensuite, vous avez eu comme ça des auteurs qui ont commencé à s'éveiller. Et là, il y a eu des livres, une production de livres extraordinaire. Le but de l'enseignement en Occident de la réincarnation, ce n'était pas de mettre de côté la gratuité supramentale ou la gratuité du christianisme. Le but de la publication en Occident des concepts de réincarnation, c'était de faire un équilibre. Et comme l'équilibre était totalement sur l'un des piliers de la balance à cette époque, eh bien, on a fait le contraire. C'est-à-dire, on a insisté presque exclusivement sur la réincarnation. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans une société où réincarnation évoque quand même quelque chose dans l'idée des gens, où même parfois les réincarnationnistes sont agressifs et veulent passer leur idée, eh bien, là, on doit nuancer. On doit revenir à une certaine forme d'équilibre en disant, d'accord, réincarnation, d'accord, loi de causalité. Mais un jour, et ce sera le sujet de la semaine prochaine, un jour, sans que vous ayez rien fait pour, sans que vous méritiez quoi que ce soit, sans que vous n'ayez pas fait les étapes préparatoires, va se passer quelque chose. La religion appelle ça la grâce, on appelle ça le supramental. Bon, va se passer quelque chose, tac, qui va vous changer du jour au lendemain sans nécessairement qu'il y ait une cause à cela. Alors, vous comprenez que la réincarnation est importante dans notre civilisation occidentale de causalité, où tout doit avoir sa cause et tout doit avoir sa conséquence. Mais dans une société nouvelle, qui sera une société basée sur le concept de gratuité supramentale, l'idée de causalité et l'idée de conséquence va être très relativisée. Et c'est en ce sens-là que je dis que le concept de réincarnation est basé sur une illusion. L'illusion d'une rigueur dans la causalité. Mais la réincarnation est vraie. N'empêche que j'ai eu des milliers d'incarnations dans celle-là. Et j'en aurai encore, j'espère pas tellement, mais j'en aurai encore quelques-unes sûrement. Hein? Et sûrement dans des formes encore meilleures, avec des harmonies plus grandes, bon, etc. Bon, ça, je le sais très bien. Je sais que vous tous, vous avez été Atlantes, pas besoin de vous poser la question, c'est réglé. Que vous tous, vous avez vécu en Lémurie, vous avez vécu dans des formes très différentes qui, aujourd'hui, vous apparaîtraient anthropoïdes, vous apparaîtraient inférieures, que vous avez tous été des hommes et des femmes alternativement dans des existences passées, vous avez tiré des expériences extraordinaires qui permettent qu'aujourd'hui vous soyez assis et que vous vous posiez des questions métaphysiques sur l'identité. C'est que vous avez fait un travail, un drôle de chemin depuis votre conscience minérale. Vous avez une conscience minérale, une conscience végétale, une conscience animale, une conscience humaine. Il y a des milliards d'années qui se sont écoulées depuis vos premières incarnations dans le vieux Saturne, pour parler en termes steinériens. Alors, il y a des milliards d'années qui se sont écoulées qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Mais vous êtes à l'aurore, à l'aube d'un nouveau monde où tout cela va être dépassé, où vous allez pouvoir, dans une expérience spontanée, vivre quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan, une épigénèse totale, une pénétration totale d'une gratuité. Alors, c'est en ce sens-là que la réincarnation est juste. C'est un enseignement basé sur tout le passé de l'homme et sur ce qui le détermine encore. Et je vous répète, attention, je ne veux pas relativiser au point où on pense que finalement je ne suis pas réincarnationniste. Je tiens à mon identité de réincarnationniste. Alors, je vous dis que encore plusieurs fois, vous allez vous réincarner. Ça, c'est évident. Mais c'est quand même un symbole de la vieille tradition. La tradition égyptienne, la tradition de la main gauche, la tradition du scarabée. Parfois, je porte donc un scarabée ici sur le doigt central de la main gauche. Ça montre bien, mon scarabée est symbole de réincarnation en Égypte. C'est tout l'ancien système basé sur la réincarnation, sur le retour périodique dans la matière. Mais dans la main droite, c'est-à-dire dans ce qui se prolonge vers le futur, ce n'est plus le scarabée symbole de réincarnation qui doit s'y trouver, c'est l'améthyste symbole de résurrection, de passage à un nouvel ordre du monde où là, on n'est plus soumis à cette causalité. On n'est plus soumis à ces petits rapports A vers B donne C, etc. Mais où on va dans une épigénèse, c'est-à-dire dans une créativité expansionnée. Et c'est tout le mouvement créationniste ou créativiste d'une certaine philosophie contemporaine qui se dit l'homme doit être créateur, il doit s'exprimer, il doit exploser. Moi, je vous dirais, il doit imploser. Et intérieurement, il doit fleurir de toutes parts, mais en tenant compte, bien sûr, de ces lois du passé qui sont encore des lois effectives et qui seront encore pour des milliers d'années. Mais on a un idéal d'aller au-delà de la loi, aller au-delà de ce principe de réincarnation. Et c'est dans ce sens-là que, d'un point de vue idéaliste, on peut dire que la réincarnation est une chose qui passera. Et c'est pourquoi aujourd'hui les réincarnationnistes doivent nuancer. Parce que quelqu'un qui se croit, ça je le répète souvent, mais c'est tout ce que j'ai à dire, quelqu'un qui se croit avancé, pionnier, supérieur, parce qu'il enseigne la réincarnation, qu'il l'a appris dans ses bouquins, qu'il l'a même jamais vérifié, parce qu'il n'est pas clairvoyant. Bon. Il y a une personne qui enseigne ça et qui nuance pas est en fait l'un des pires retardataires que cette planète peut connaître. Parce qu'il enseigne uniquement la vieille loi. Il enseigne uniquement les expériences pré-supramentales sur la planète. Alors que celui qui aujourd'hui enseigne d'autres choses, enseigne une certaine forme de gratuité ou de grâce, le religieux qui vient vous faire un discours sur la grâce, hein, est infiniment supérieur à celui qui vient vous faire un discours rigoureux sur la réincarnation, qui ne nuance pas son discours en disant oui, mais il y a. Parce que lui, évidemment, il est dans l'illusion. Il pense que tout est sous la grâce, que tout est dans les mains du Seigneur. C'est pas juste non plus, hein? Mais il est au moins dans une illusion vers le futur. Il est au moins illusionné par un aspect de la future conscience de l'homme et non pas par la conscience passée de l'homme. Alors son illusion, disons, est supérieure en quelque sorte. Et celui qui est juste dans son jugement, c'est celui qui enseigne à la fois réincarnation et résurrection, si on veut, à la fois rigueur de la loi et douceur de la miséricorde, fusionnés ensemble, comme étant deux concepts apparemment contradictoires, mais en fait d'une complémentarité parfaite. Voilà le message de l'homme équilibré, de l'homme qui est un pont entre la conscience ancienne et la conscience moderne. C'est pas la peine aujourd'hui d'avoir uniquement une conscience future, parce qu'à ce moment-là, on est un flayé. Ce n'est pas la peine d'avoir une conscience seulement du passé, parce qu'alors on est un cristallisé. Mais c'est d'avoir une conscience mixte. C'est ça le pénible de l'existence humaine en 1986, c'est d'être mixte. C'est d'être capable d'intégrer le passé et le futur et les fusionner ensemble. Pas facile, ça. Avoir cette mixité, avoir un pied dans un monde et l'autre pied dans l'autre monde, c'est pas facile. Mais mettez-les les deux dans l'autre monde, vous vous déconnectez de la société, de l'humanité. Mettez-les tous les deux dans le passé, hein. Vous vous déconnectez de toute possibilité d'avancement. Donc, il faut avoir la position douloureuse d'être assis sur deux chaises en même temps, en réalisant le sens d'une chaise qui s'en va et le sens d'une chaise qui s'en vient. Et en se disant, je suis dans une période de transition, je suis dans une période de passage, je suis encore entre les deux. Et j'assure, en fait, parce que je suis conscientisé, parce que, non pas parce que je suis supérieur, parce que je suis instruit, mais parce que je suis un peu conscientisé et que justement, j'accepte d'avoir un pied dans un monde et un pied dans l'autre, je suis un pont. C'est moi le souverain pontife. C'est moi qui permets à une humanité dans le passé d'arriver dans une humanité future. Je suis un pont. C'est la mission des ésotéristes. C'est la mission des gens qui se conscientisent à la spiritualité. C'est pas de ronronner sur son nombril. C'est pas de méditer sur des grandes thèses. C'est pas d'assister à des conférences. Le rôle des pionniers de l'humanité du 20e siècle, c'est d'être des ponts. C'est d'être des gens qui vont être capables de prendre une personne qui est dans le vieux monde et puis de la tirer dans le monde nouveau. C'est quelqu'un qui va pouvoir être suffisamment fort comme une charnière entre deux ordres du monde pour permettre un transfert d'énergie, un transfert de conscience. Il va le faire par son discours qui sera mixte, alors qu'il apparaîtra parfois contradictoire. Et il va le faire surtout par le fait qu'il sera là comme structure. Il sera lui-même ce pont. Il sera lui-même en tant que conscience le pont qui permettra de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Et c'est en ce sens-là qu'une réflexion sur la réincarnation est intéressante. Au début du siècle, une réflexion sur la réincarnation était intéressante dans la mesure où elle apportait une explication intellectuelle à des faits qui n'étaient pas expliqués par la science matérialiste, athée, et qui n'étaient pas expliqués par la science religieuse, théologique. Ça, c'est intéressant. Au 20e siècle, ce n'est plus le même intérêt qu'on doit accorder à la réincarnation, mais on doit dire, dans notre contexte actuel, la réincarnation est intéressant comme concept dans la mesure où il permet cette réflexion sur la mixité de la conscience, qui permet cette réflexion sur une identification binaire de la conscience, d'un monde ancien à un monde nouveau. Et alors là, si vous pouvez parler, hein, un peu comme je viens de le faire autour de la réincarnation, c'est intéressant de parler de réincarnation, gloire à la réincarnation. Si autrement, c'est simplement un concept cristallisé de causalité et que vous nuancez rien, eh bien, c'est une perte de temps et en plus, c'est un élément retardataire dans l'évolution. Alors, la conscience, la réincarnation, c'est un concept de conscience qui a un contenu ou un autre contenu. Et ça dépend de son utilisation. Tout est dans l'utilisation. Tout est dans la modernisation et l'adaptation de ce que l'on a au niveau de la tradition. La tradition est intéressante dans la mesure où elle nous présente des enseignements qui ont un certain degré d'éternité, mais l'enseignement est éternel. Sa présentation, son adaptation varie avec le temps, varie avec les sociétés, varie avec les civilisations dans lesquelles on est. On ne peut pas parler dans une Allemagne du début du siècle comme on va parler dans un Québec de la fin d'un siècle. Vous vous rendez compte que on peut tout se servir de ça, et c'est ce que je fais, hein? Et c'est ce qu'on doit faire, je pense, se servir de cette vieille tradition. Mais attention, il faut y apporter le couvert, l'énergie et la nuance de notre civilisation, de l'expérience qu'on vit ici et maintenant, et qui est nunc. Cette expérience qu'on vit ici et maintenant est différente et dans un contexte social, culturel, sociologique, religieux, philosophique, spirituel et scientifique qui est différent. Dans un contexte vibratoire, enfin, qui est différent. Puisque, vous le savez, ces énergies supramentales dont on parle tant sont activées actuellement sur les plans invisibles et nous affectent beaucoup. Donc, il faut adapter notre langage à cette nouvelle expérience de conscience. À propos de conscience, on vous demande, Raphaël, d'expliquer ce que vous avez au-dessus de la tête. On fait allusion, à l'axiome ici, l'intelligence universelle et individuelle. Ah, j'allais dire chez mon chakra coronal, mais c'est pas ça. Bon, intelligence universelle et individuelle. Bon, ça dépend quel concept on donne à l'intelligence. Hein. Si on prend le terme d'intelligence comme je l'ai analysé tout à l'heure, c'est-à-dire interligere, choisir entre. Bon, c'est banal. Et à ce moment-là, bien, on parle d'un grand ordinateur ou d'un petit ordinateur. Si on parle de l'intelligence dans le sens où il a été écrit en haut, mais encore une fois, c'est une question de terminologie. Dans ce mot-là, il n'y a pas la même notion que dans le mot intelligence dont je me suis servi tout à l'heure. Ce mot intelligence en haut est en coïncidence avec le mot sagesse que j'ai utilisé tout à l'heure. Or, dans la sagesse, dans cet élément donc de transmission, de descente en soi des principes créateurs, des principes constitutifs de l'être, l'intelligence individuelle, c'est ce qui est perçu à l'intérieur de l'esprit individuel, de l'individu. Hein? Bon, il y a en l'homme la personnalité, ça je pense que vous l'avez suffisamment compris, j'en ai suffisamment parlé en tout cas, la personnalité qui est cet aspect masque, matériel. Il y a ensuite l'individualité, dont la cabale phonétique donne le terme indivisible dualité. Bon, il y a une dualité intérieure qui est indivisible. Bon, c'est un principe de complémentarité, si on veut, qu'on appelle l'esprit. Que dans certaines terminologies, on appellera l'ego, que dans d'autres, on appellera le voile triple de l'esprit, c'est-à-dire le plan causal, le plan bouddhique et le plan atmique des orientaux. Bon, ça constitue l'individu d'un être. L'individu est donc causal, atmique, bouddhique, ou mental concret, esprit humain, esprit vital et esprit divin, selon les terminologies. Ceci ensemble crée l'aspect théos en l'homme, le trois, le ternaire. Cet aspect théos, cet aspect ternaire en l'homme, c'est l'intelligence individuelle. C'est l'intelligence individuelle dans la mesure où ce théos, cet esprit, fusionne avec la sagesse. C'est-à-dire qu'il devient réceptif à la sagesse, qui n'est pas une structure totalement égocentrique, refermée sur elle-même, mais qui est une structure qui s'ouvre sur le monde. Voyez, l'homme, c'est ça son développement. Le développement passé de l'homme est symbolisé par toutes les phases embryologiques. Ça, c'est du Steiner. Hein? C'est merveilleux, le développement de la conscience, le développement psychologique au niveau de Steiner. C'est un enseignement merveilleux. Bon. Alors, dans cet enseignement de Steiner, vous avez donc l'homme qui, au départ, est roulé sur lui-même. Complètement axé sur lui-même. L'ego, dans le sens de l'esprit triple, de ces trois voiles dont je viens de parler, originellement est replié sur lui-même. C'est un individu, donc, à circuit fermé, comme le fœtus dans l'utérus maternel. Ensuite, vous avez une phase où on se met debout. C'est-à-dire qu'on est quand même ouvert sur le monde, mais sous une forme de ligne droite. Ensuite viendra dans le futur un retour à la condition de l'œuf cosmique, si on veut, comme créateur de quelque chose de neuf, où l'homme va s'enrouler, mais vers l'extérieur, va recréer la sphère, qui est la figure universelle de la conscience dans l'univers, mais vers l'extérieur. L'inverse donc du fœtus, pardon. Alors, l'intelligence individuelle, c'est cet homme qui progressivement devient cette sphère retournée vers l'extérieur, donc ouverte à l'expérience de la réception de la sagesse, qui n'est pas en l'homme, qui ne vient pas de l'homme. La sagesse ne vient pas de l'homme. La sagesse vient de l'esprit, des dimensions supérieures de ce que on pourrait appeler l'intelligence. Donc, cette intelligence pénètre en soi, crée une certaine forme d'énergie que l'on appelle la conscience, que l'on appelle la soi-conscience, c'est-à-dire la conscience de l'individu. Voilà pour ce qui est de l'intelligence individuelle. L'intelligence universelle, eh bien, c'est ce bassin universel auquel communie l'intelligence individuelle. C'est-à-dire que l'intelligence individuelle ne peut exister que grâce à deux choses. L'individu, c'est-à-dire cet esprit triple qui s'est constitué, et l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, c'est le plan que, dans certaines traditions, comme celle de Handel, on appelle le plan de l'esprit vital, en particulier, et ce qu'on appelle dans la psychologie ésotérique, le plan du supramental, ou un des plans du supramental. Alors, ce plan supramental, il est universel, dans le sens où il n'appartient à personne, où il n'a pas de contour, où il n'y a pas de limite. C'est le savoir universel de la galaxie. C'est le savoir et le pouvoir créateur, surtout, universel. De telle sorte que l'intelligence universelle est le principe ultime de la création dans un système comme le nôtre, dans une galaxie comme la nôtre. L'intelligence individuelle, c'est cette spécialisation au sein d'un individu de cette intelligence créative qui fait que, ayant été créative sur un plan universel, elle a généré tout le monde tel qu'on le connaît. Créative au niveau de l'individu, elle crée ce que précisément on appelle la soi-conscience. L'une des vertus les plus primordiales à acquérir, la soi-conscience, la conscience de soi. Et cette conscience de soi, eh bien, ne s'acquérera que par, justement, progressivement, une intégration lente, une intégration sans saccade, sans soubresaut de cette énergie universelle dans l'individu. C'est pourquoi il faut aller doucement dans cette fusion. C'est pourquoi il faut aller doucement dans cette communion. Parce que, et ça c'est fondamental, si vous allez trop vite, vous allez brûler la structure de l'individu. Vous allez brûler ce triple voile atmique, bouddhique et causal, divin, vital et humain, qui, en quelque sorte, et ça a été formé par toute notre évolution passée pour justement amener l'existence ou la naissance d'une intelligence de l'individu, amener la naissance d'une soi-conscience parfaite pour que on se soit pas divisé pour rien, pour qu'on n'ait pas quitté l'absoluité de la réalité originelle pour rien, mais qu'on soit devenu et qu'on conserve pour toute l'éternité une soi-conscience individuelle. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et l'intelligence individuelle, c'est ça. C'est l'amorce créative de la soi-conscience qui fait que, à la fin de tout ce mécanisme d'incarnation, d'évolution, de spire, de sphère, etc., eh bien, on sera arrivé à quoi? On sera arrivé de façon absolument certaine à quelque chose de neuf, dans le sens où on aura acquis une seule chose, la soi-conscience. On aura acquis une seule chose, c'est que on était autre chose que tout. L'absolu du départ, c'est la totalité. Il n'y a pas de soi-conscience. Il y a une masse informe absolue. Mais à part cette expérience du relatif que nous avons vécu avec peine et misère pendant tous ces milliards d'années, ces milliards de milliards d'années, ben nous avons acquis la soi-conscience, c'est-à-dire la conscience de soi. On sait maintenant qu'on est. Originellement, on ne savait pas. On sait qu'on est parce qu'on a vécu l'expérience de ne pas être. L'absolu ne peut pas vivre l'expérience de ne pas être. Il y a absolument tout. Alors, on ne pouvait pas vivre l'expérience d'être, de savoir qu'on est. Ce que on a acquis de l'intelligence universelle vers l'intelligence individuelle, c'est de savoir que l'on est. Et savoir que l'on est, c'est la question primordiale. Hein? Alors, on retournera à Shakespeare, être ou ne pas être. Toute la question est là. On ne savait pas, on ne pouvait pas se poser cette question-là autrefois. Dans l'absolu, il était impossible de poser la question être ou ne pas être. Aujourd'hui et dans les siècles futurs, on pourra dire être et ne pas être. On aura vécu des expériences, on se sera identifié à des choses, et ça, c'est grâce à l'intelligence individuelle qu'on peut le faire. Où avez-vous appris tout votre savoir, dans les livres ou par d'autres conférenciers? Je n'ai jamais tellement suivi de conférences. Je sais pas tellement. Ça ne donnait pas. Je suis pas tellement, c'est que j'en ai donné beaucoup depuis presque les couches pour ce qui est des conférences. Concernant l'apprentissage, j'aime pas tellement parler de moi, je peux peut-être en parler deux trois mots là. Premièrement, ce que je suis, c'est pas important, mais si ça vous intéresse, je peux dire quelques mots. Je suis un traditionnaliste, c'est-à-dire que j'ai été à l'école de la tradition, un suivi, un programme d'information assez soutenue avec des écoles traditionnelles connues, notamment à l'intérieur d'une école ésotérique rosicrucienne, de certains courants martinistes. Et je me suis particulièrement focalisé autour de l'expérience de la magie, de l'expérience de la théurgie. Alors, ça m'a amené, c'est pourquoi j'ai un vocabulaire religieux qui irrite parfois, ça m'a amené à une recherche sur les plans de la théurgie, donc de la magie cérémonielle, donc des rites religieux, de la ritualité, etc. Donc, je suis essentiellement un ritualiste, un traditionnaliste, et tout mon travail est axé principalement sur des séminaires de formation mystique et ésotérique qui sont donnés à Sherbrooke, où justement il y a transmission de clés traditionnelles, de magie, de formation intérieure, qui mène à devenir un théurge, qui mène à devenir un mage. Donc je suis un peu différent en ces samedis soirs, lorsque vous me rencontrez, de ce que je suis habituellement. Concernant l'apprentissage, donc c'est essentiellement à l'intérieur de ces programmes que je l'ai eu. C'est essentiellement à travers certaines lectures, très peu finalement de lectures. C'est quelques conférenciers que j'ai entendus ici et là à la télévision ou parfois sur des cassettes, mais très peu des conférenciers. J'ai jamais été tellement un homme de l'audio. Je suis plus un homme du visuel, de la lecture traditionnaliste. Ça aime les vieux livres poussiéreux. Et j'ai parcouru les vieux livres poussiéreux des pères de l'Église. Église à l'Université de Sherbrooke, ben, tous les livres qui semblaient ne pas avoir été tirés du rayon depuis au moins 25 ans ou depuis la fondation de l'université, ça m'intéressait. Tous les livres que lorsqu'on les sent et qu'on les feuillette, il vient une odeur de cannie, ça, ce sont des livres qui m'intéressent. Alors, j'ai lu un peu ces ouvrages, j'ai fait un peu de recherche là-dedans. Et puis, comme j'étais un individu qui faisait un travail au niveau de l'occultisme pratique, j'en suis venu progressivement à une expérimentation qui m'a entraîné à pouvoir faire un travail qui est au-delà de cet apprentissage livresque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte, on donne des premières conférences, et puis on se rend compte qu'à la fin de la conférence, on a peut-être beaucoup plus appris que les gens qui étaient dans la salle. Et j'ai appris essentiellement en donnant des conférences et en faisant des émissions de télévision depuis 4 ans à Sherbrooke. Essentiellement, c'est comme ça que j'ai appris les choses les plus importantes, les plus pertinentes. Parfois, je les ai écrites par la suite, mais parfois, je les ai pas écrites. Mais de toute façon, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris dans les périodes de questions. Moi, j'aime les périodes de questions. J'aime pas tellement les conférences comme telles. Parce que dans la période de questions, les gens vous posent des questions que vous vous êtes très souvent jamais posées. Hein? Et là, on vous pose une question, on vous dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette telle chose? Vous en savez absolument rien avant de vous asseoir en avant. Alors là, vous prenez la question, vous vous dites, si quelqu'un m'a posé une question, c'est qu'il y a donc une réponse. Si je ne l'ai pas, moi, c'est pourquoi je l'ai pas, c'est parce que je suis orgueilleux. Hein? Je suis tellement orgueilleux, je me considère tellement à un haut point que je me dis, moi, je peux pas avoir cette réponse-là. Bon, alors je me suis dit, si tu veux pas être un orgueilleux et passer pour tel, eh bien tu vas répondre à toutes les questions qui te sont posées. Alors j'ai commencé à répondre à des questions et je me suis rendu compte que c'était la méthode de développement. Alors, même lorsqu'il n'y avait pas de conférence, je me posais des questions et j'y répondais. Alors c'est un exercice que j'ai donné dans une cassette d'ailleurs ici, qui est l'exercice de l'autodialogue qui est fondamental. Bon, ne serait-ce que j'aurais fait ceci au centre d'université, ça aurait valu la peine de venir 2, 3 ans en conférence régulière ici. Avec cette technique-là, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à se poser une question sur laquelle on n'a pas la moindre idée de la réponse et donner la réponse, tout simplement. C'est-à-dire émettre, commencer le cycle d'échange d'énergie. Alors, c'est ce qui a permis que je puisse aujourd'hui répondre à des questions, que je puisse faire un travail, parce que, évidemment, on ne peut pas, ce serait pas possible humainement d'accumuler l'information. C'est ça le problème de ceux qui n'ont pas saisi ce qu'est le travail occulte, le travail ésotérique. Il y a des gens qui ont pensé que le travail ésotérique, c'était de lire des livres, ensuite de les répéter et de répondre aux gens par rapport à ce qui avait été lu. Alors, ils sont jamais capables de donner des conférences ou de parler avec des gens. Ils ont peur de la période de questions. Ils ont une horreur extrême de la période de questions parce qu'ils se disent, ma conférence, ça va, j'ai préparé mes choses, je sais de quel sujet je vais traiter. Mais tout à coup, durant la période de questions, quelqu'un me pose une question sur tel aspect, j'ai pas lu, il y a moins d'une semaine quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une panique extrême. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. Bon. Eh bien. Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est la méthode d'apprendre. On me pose une question sur laquelle j'ai jamais entendu parler. Merveilleux. Voilà, je vais en entendre parler. Alors, et même parfois, il y a des gens qui me posent des questions. Je dis, bon, tiens, il y a une conférence mercredi, on va poser cette question-là. On va savoir enfin. On va avoir enfin la réponse, la solution à tel et tel problème. Bon, alors c'est comme ça que progressivement, on arrive à pouvoir donner des réponses. Hein? Le problème aussi, c'est que à un moment donné, c'est pourquoi j'ai un peu égrené la chose, j'ai un peu saboté la chose. À un moment donné, avec ce type d'expérience, on parle avec une certaine autorité. Alors, ça crée des problèmes autour parce que, bon, à 23 ans, lorsqu'on a un discours paternaliste, c'est pas tellement bien vu. Alors, j'ai un peu mis ça de côté, j'ai un peu saboté certaines choses. Pour qu'il n'y ait pas cette imprégnation d'autorité. Mais lorsque je parle en séminaire, lorsque je parle, moi, pour moi, j'ai l'autorité. C'est-à-dire que je ne me fie pas sur ce qu'un tel a dit ou ce qu'un tel a dit. Je me sers de ça comme un canal. Gloire à ces ouvrages qui m'ont formé, à Cosmogonie des Rose-Croix, les ouvrages de Rudolf Steiner, tous ces ouvrages d'occultisme, les ouvrages de Monseigneur Amblin, etc., l'abbé Julio, etc., sont des ouvrages qui sont à la base de mon travail. Mais ensuite, je ne m'appuie pas exclusivement là-dessus en disant, est-ce qu'il y a une réponse dans la Cosmogonie des Rose-Croix ou est-ce qu'il y a une réponse dans la philosophie occulte ou dans la science de l'occulte de Steiner? Je me dis, voilà, à partir de tout ce qui est connu, on a un bagage neurologique. On peut recevoir maintenant toutes les réponses aux autres questions. Si on est assez humble pour les laisser passer. Alors, c'est une expérience de ce type-là qui fait que il est pas utile de dire comme c'est parfois fait parce que c'est comme ça dans la société. Une personne à tel âge, c'est merveilleux qu'elle puisse dire telle chose à tel âge. Ça fait pas de sens. Hein? Dans le sens où, qu'on ait un âge ou un autre, si on a l'humilité d'être un canal, qu'on ait l'âge ou un autre, ça n'a aucun sens. D'avoir un âge symbolique, hein? Mais un âge charnel, ça n'a pas d'importance. Parce que ça implique pas qu'on ait tout lu. Si ça implique qu'on ait tout lu ce qu'on dit, hein, puis qu'on parle de plusieurs sujets, puis bon. Alors là, on se dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que cette personne-là lise 48 heures par jour. Bon, ça fait pas de sens. Mais si on travaille d'une manière ésotérique, tout cela disparaît. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je fais? J'espère que c'est l'ésotérisme. Bon, l'ésotérisme, ce n'est pas un travail comme on le conçoit actuellement. L'ésotérisme, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est une fusion qui se fait à l'intérieur et qui permet que l'on aille au-delà de ce que l'on serait selon notre simple mérite. Hein? J'aurais, selon mon mérite, moi je suis pas tellement un être très studieux, très méthodique, j'aurais très peu de choses selon mon mérite. Hein? J'ai pas vraiment étudié tellement depuis que je suis à l'université, évidemment j'ai un bac, je prépare une maîtrise, mais je fais beaucoup d'autres choses. Hein? L'étude, c'est un peu marginal dans ma vie, ça a toujours été un peu marginal d'ailleurs dans ma vie. Si c'était selon le mérite des études, bon, ça serait même pas la peine d'ouvrir la bouche. Mais c'est bien au-delà de mon mérite. Je mérite rien de ce que je peux faire. Hein? Et en même temps, lorsque j'ai des faiblesses, ben c'est pas de ma faute non plus. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, autrement dit, derrière tout ça, il y a une confiance. Il y a une confiance un peu dans le même genre que celle que le Nazaréen avait dit lorsqu'il avait dit « Ne préparez rien pour votre défense lorsqu'on vous interrogera. L'Esprit de Dieu sera avec vous. » C'est dans une confiance de ce genre-là, je pense qu'un ésotériste peut fonctionner. Et alors, il peut avoir une bibliothèque extraordinaire, comme je l'ai accumulée depuis des années, et pas l'avoir lu, comme je l'ai fait, et être bien avec ça, être bien avec tout ça, ouvrir un livre de temps en temps, aller chercher une référence, c'est extraordinaire, ça crée un dynamisme à l'intérieur, mais se fonder surtout sur son intérieur, sur ce rapport à une intériorité, par un auto-dialogue, par un auto-enseignement. Ce n'est que cela que l'on peut apprendre par des conférences, par des livres. C'est un jour arriver à l'auto-enseignement, un jour arriver à un auto-dialogue entre soi et soi-même, entre ses plans de conscience et l'intelligence universelle qui habite en nous et qui est source de toute connaissance, de tout savoir, de toute réalité. Et à chaque fois où vous allez paraître niaiseux, hein, comme je parais niaiseux dans plusieurs circonstances, à chaque fois où vous allez hésiter sur une question, que vous aurez un doute sur une réponse, que vous ne saurez pas trop comment répondre, vous serez malhabile, vous vous direz, ben c'est parce que j'ai été orgueilleux, c'est parce que j'ai voulu prendre les choses en main, c'est parce que j'ai voulu exprimer mon mérite et que je ne méritais pas grand-chose. Et à chaque fois où vous transmettrez quelque chose qui semble lumineux, qui semble correct, eh bien c'est parce que vous aurez, comme je vous disais tout à l'heure, atteint une certaine abnégation de personnalité. Et à ce moment-là, ça va passer. Mais on n'atteint pas l'abnégation de personnalité comme ça. Je suis pas un pur vide, un pur néant. Malheureusement, je ne suis pas un pur néant. C'est-à-dire que il y a toutes ces expériences de personnalité qui entrent en ligne de compte, ce qui introduit l'erreur, ce qui introduit l'échec à certains niveaux. Donc, évidemment, il faut pas diviniser personne. Je n'ai pas l'intention de me diviniser non plus. Si un petit philosophe de 23 ans peut faire des choses, à un niveau ou à un autre, c'est que tout le monde peut en faire. Si je vous dis que je peux me poser des questions sur des choses que je ne connais pas et donner des réponses, pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire du show business ou pour devenir un rat de laboratoire ou un phénomène, mais pour vous dire, vous pouvez le faire aussi. Si moi je peux le faire, hein, et que j'ai simplement 23 ans d'existence dans cette vie, etc., vous pouvez certainement le faire, et vous pouvez certainement faire mieux encore, si ce n'était pas de paraphraser un grand maître, c'est ce que je vous dirais. Hein? Ça veut dire que on peut tous faire des choses à des niveaux extraordinaires si on en admet même la possibilité d'abord et qu'ensuite on essaie de mettre de côté. On va échouer, on va reprendre. Bon, dans 50 ans, j'aurai encore beaucoup de travail à faire pour mettre de côté la personnalité. Mais à chaque fois où je l'aurai mis d'un tout petit peu de côté, il sera passé un rayon de lumière. C'est ça qui est encourageant, évidemment. À chaque fois où je me lèverai le matin, je pourrai m'encourager en me disant « je suis plus parfait que la veille ». C'est extraordinaire, ça aussi. De se dire que durant la nuit, on a poursuivi un travail et que, en se levant le matin, on est plus parfait que lorsqu'on s'est couché le soir. Et à chaque fois que je vais me coucher le soir, je vais me dire, je suis plus parfait que je l'étais ce matin. C'est encourageant, en tout cas. Au moins, c'est encourageant, hein? Et ça permet éventuellement de réaliser, que l'on est promu à quelque chose d'extraordinaire, que l'on est promu à une réalité absolument extraordinaire, qui, lorsqu'elle se passe, devient tout à fait simple. Bon, je connais des gens qui, tranquillement, avec l'idée de l'ésotérisme, commencent à vibrer à cette notion de l'autodialogue. Et alors, lorsqu'ils donnent des conférences, parce qu'ils commencent à s'exprimer en conférence, ils n'aiment pas tellement la période de questions, de conférences, ils aiment la période de questions. Et à une question toute simple, toute banale, à laquelle on aurait peut-être pu répondre oui ou non, eh bien, ils vont parler pendant une demi-heure sur le sujet. Ça, c'est intéressant, ça m'encourage. Ça montre qu'il y a des gens qui commencent à comprendre l'affaire. Il y a des gens qui commencent à sentir la vibration. Il y a des gens qui commencent à réaliser que la parole entraîne la parole et que le langage entraîne le langage et que c'est une vibration créative extraordinaire que de parler, l'expérience même de l'humanité. Et à chaque fois que je rencontre de ces gens qui se disent ou qui me disent ou qui disent des choses auxquelles ils n'avaient pas eu de référence antérieure et tout à coup, ils parlent sur un sujet et ça s'exprime, eh bien, je suis très content parce que c'est ça qui est derrière une expérience ésotérique. C'est ça qui est derrière une expérience d'accroissement de conscience. Et alors là, on peut être heureux du fait que ça se multiplie de plus en plus. Et vous verrez dans les années qui viennent comment ça va se multiplier et comment des gens qui apparemment n'avaient pas de possibilité de s'exprimer dans un sujet et qui vont le faire avec autorité et qui vont exprimer l'énergie avec une grande force, ce que ils se seront fusionnés avec quelque chose d'au-delà, avec quelque chose de transcendant. Et alors, tout cela pour universaliser la question qui m'a été posée, parce que, bon, ça n'a pas d'importance. Mon expérience personnelle, c'est une expérience collective qui doit être vécue dans cet ordre-là. C'est ça qu'on appelle, je le répète, l'ésotérisme. Autrement, c'est de l'exotérisme. Ça peut être des doctrines qui vous paraissent mystérieuses, qui vous paraissent entourées de mystères extraordinaires, qui vous paraissent très exotiques, qui vous paraissent ne pouvoir être transmises que dans une salle noire, décorée de telle et telle manière, avec des gens qui portent une coiffe, comme dans certains ordres initiatiques, ça peut vous paraître tout cela, mais ce n'est que du pur exotérisme. On prend une chose qui est extérieure à vous et on vous la donne. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut pas plus que ce que va vous donner un scientifique qui lui cache pas ses choses et les publie dans les revues scientifiques. Hein? Mais si vous prenez le contenu de la revue scientifique ou le contenu de l'enseignement que vous a transmis ce martiniste coiffé dans sa loge initiatique et que vous l'intériorisez et que vous le ressortez ensuite, et qu'ensuite se produit un problème dans votre vie de tous les jours, et qu'il n'y avait pas la réponse là, mais que ça, c'est présent, que c'est une structure intériorisée, eh bien, par cette structure intériorisée, vous allez recevoir la réponse. Et face à un problème qui ne s'était jamais produit dans votre vie, qui ne s'était jamais produit dans la vie de votre initiateur ou n'importe qui, vous allez avoir la réponse. C'est ça, tuer son initiateur. Vous savez que dans la tradition, l'initié tue l'initiateur. C'est-à-dire que l'initié tue la dogmatique, tue la structure extérieure qui lui a permis de recevoir une énergie. Et il devient supérieur à son maître, il le dépasse de loin, il devient un être qui transmet quelque chose de neuf sur la planète. Et ça, c'est à la portée de tous dans la mesure où on accepte de parler. Simplement. Alors, vous parlerez dans votre bain. Le bain, c'est l'endroit le plus idéal pour ce type de travail. Parce qu'il y a une scission des éthers. Bon, il y a des noms de personnes que vous connaissez très bien, diffuseurs d'ésotérisme, que je ne vais pas nommer, parce que, bon, ils m'ont pas dit de le mentionner, mais qui préparent leurs choses dans leur bain. Hein? Qui préparent leurs choses dans leur bain et qui, comme le découvreur, celui qui a créé Eureka, hein, eh bien, dans une masse d'eau, réalise de par le fait qu'ils sont comme unis à la nature, qu'ils sont comme unis à l'élément féminin, à l'universalité aussi représentée par l'eau, que leurs éthers sont un peu dissociés par la force de l'eau, eh bien, qu'ils contactent des plans supérieurs. Et le début des grandes révélations, c'est dans le bain que ça se produit. Ensuite, ça se produit dans un autodialogue en marche, avec les techniques dont on a parlé tout à l'heure. Je vous parle un peu farfelu. Vous m'avez posé une question un peu farfelue. Alors, je donne une réponse farfelue. Le fondement d'un travail d'un ésotériste, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement un contact intérieur à une réalité qui le dépasse lorsqu'il accepte que cette réalité le dépasse et qu'il n'est qu'un simple messager de cette lumière. Bien, il restait quelques questions qu'on va pouvoir mettre avec celles qu'on a ramassées dans les autres entretiens pour une soirée sur les questions un jour. Il en restait une ici à laquelle je peux répondre parce qu'elle n'a pas de très grandes conséquences philosophiques. Est-ce que j'ai la permission? Ah oui. Depuis combien de temps le centre de l'universalité existe-t-il? C'en est une pour moi. Alors, la réponse est 16 800 heures, ou 700 jours, ou 100 semaines, ou 25 mois. Voilà. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? C'est là toute la différence entre Raphaël et moi. Raphaël, on te remercie beaucoup. On vous donne rendez-vous demain pour le symposium, donc de 13 h jusqu'à 22 h. Autant que possible, essayez de ne pas manquer ça. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, Raphaël. Après avoir lu les questions, je te les donne, moi. J'ai pris des seules. Celle qui t'a pas ok, c'est ça. Celle-là. Ouais, mais ça, c'est répondu. Tu les as pris, d'autres. Okay.